بسم الله الرحمن الرحيم. ما معنى وضع؟ ما معنى الميزان؟ الوزن. الزائد. الزائد. الزائد. الوزن الزائد. C'est un surplus. On peut traduire par augmentation, tout ça. Une augmentation, surplus augmente. Parce que ziyada, c'est augmentation. Eh oui, mais là, c'est là, ça y est, me faire celui-là. Non, ils sont, sont proches. Mal ayem la ou. Remplir. Bitaqa. Bitaqa. Bitaqa. Ça, c'est une carte. Bahou. Sol. Non. Ittajaha yattajihu. Se diriger. Sururun. Heureux, joie, joie. Non. Haqa'ib. Valise. Mao Mufrad. Quel ça veut dire? Ah, c'est jam ça, Haqa'ib. Quel Mufrad? Donc les gars, aussi on a appris comment faire ism fa'il d'un verbe un soulafi d'un verbe à trois lettres. J'ai sous quelle forme à la iwazn fa'ala fa'il fa'il. On a posé la tamarin. Encore l'exercice. كما يوجد الثاني عندك نحن نحن معنا كتب. نعم. أنت معك كتب. نعم. أنت معك كتب. أنتم معكم كتب. أنتن معكن كتب. هو معه كتب. هي معها كتب. كتب. هم معهم كتب. كتب. هن معهن كتب. رحمك الله. ثم قلنا رابع كذا ونفي الثالث فقط. نعم. نعم. يدفع 50 ريال. يدفع 50 ريال. أقرأ نجيل رابع معي 50 ريال. سوى كيف أفعل؟ طيب الجملة الأولى ونخلص. معي 90 ريال. نعم. معي 80 ريالا. ما نقول عندي عندي 90 ريالا. ما كان عندي ما يلزم يكون معك الان سي با بيغاتوار تو لزم الان عندي باش تو زعما بيت تو لزم دو بوزيسيون سي با دير كون تو لا معي الان سي كون كم لدي ثانية لديك لديك كذا لديه كذا لديهم كذا سي جوز سي كما عندي سو كسو مومون تو بار تو لا افيك تو سي فري لو سونس دو معي ان بو لدي نعم الو تفضل جي بير ثالث في لاكيل تو ما جي في لا دو معي ثمانية طيب معي 70 ريالا. نعم. معي 60 ريالا. نعم. معي 40 ريالا.

أعلن أعلن يعلن إعلانا طيب إعلانا نعم مصدر إعلان طيب يعلن Il n'y a pas de point, mais c'est un nom. Le nom dans le cas, il n'y a pas de point. Comme ça. Continue tout seul à la fin. Non. Marra, yamurru. Ça, c'est passé. Le mazdar, c'est murur. Mururan. مرة يمر مرورا فسايا فسامي مشي مرة يمر مرورا سمع يسمع وكنا سير. سير. سمع يسمع معروف qui veut dire entendre. نداء ou نداء ils n'ont pas mis en jeu. C'est quoi ça istama? C'est écouter. Ah, oui. C'est le fait de vouloir écouter. Et سمع c'est entendre. نداء c'est un appel. Comme harf نداء ya Mohamed c'est particule d'appel. توجه يتوجه c'est le même sens que اتجه يتجه se dirige vers les mazdar ils l'ont écrit توجه ils l'ont écrit là سلم يسلم Non, mais là, c'est pas ça qu'ils veulent, malheureusement. Il y a beaucoup d'ex, là, à part entre Mahmoud et son copain, là, il fait salam alaykoum. Là, il veut dire quoi ? C'est le fait de donner quelque chose. Mais ça, je comprends pas. Rendre quelque chose. C'est... En fait, les mots, là, ils ont des... En fait, ils peuvent prendre n'importe quel sens, selon le contexte de la phrase. Ouais, le champ de sens peut changer en fonction de la phrase. Parce que des fois, on aussi, on utilise le même verbe pour dire salut. Sallam. Ah oui, c'est le même verbe. Mais il veut dire autre chose à la base aussi. Là, c'est donner, c'est ça ? Ouais. Donner quelque chose, délivrer quelque chose. Mais à la base, on l'utilise pour le sal, pour saluer ça. Pas forcément. Il est souvent utilisé pour le fait de donner et tout ça aussi. Ça dépend en quelle circonstance tu veux. C'est un truc que tu dois à quelqu'un. Prends pour le mot sallam. وزن يزن المصدر هو وزن وزن يزن هو pesé طيب وزن يزن هو pesé et وزن on l'a pris vous savez ça veut dire poids en fait وزن c'est le مصدر de وزن c'est مصدر et le am زن يزن Dhabit, c'est un officier. Un Talabit, là c'est un officier. Ça peut être un haut gradé de l'armée ou de la police ou quoi. Ou Afshun, c'est les bagages, en fait. Tout ce que tu amènes avec toi quand tu es en voyage. Afsh. Ou ça peut être aussi les choses que tu laisses dans ta maison, les Afas. On peut aussi les appeler Afsh. Maintenant, quand tu arrives ici, tu prends le car, le bus pour arriver à Demej, tous tes bagages, il va te dire Afsh, il va l'appeler Afsh. Les bagages. Non, là, ce qu'il veut dire, c'est les bagages. Dans ce texte-là. Les bagages. Taïeb. Souma l'ibarat, mais mashiyatillah. Mashiya, c'est le basant de Sha Yasha'u, qui est le fait, c'est la volonté d'Allah. Taïeb, bi, c'est al-fouja. Mashiya, c'est la volonté d'Allah. Bas de Jalala, ici. C'est connu. C'est par la volonté d'Allah, en fait, ça. Ça, c'est dire, ouais, par la volonté d'Allah. Et Sha'av, c'est vouloir, ça. Et ça, c'est réservé pour Allah ou c'est un verbe qu'on peut utiliser, ça. Tu peux utiliser pour être très bon. C'est le même sens que Yulid. Yulid, c'est pareil. Ah, c'est pareil. Il y a un hadith, Nabi Salam, il a dit quoi ? Un rajul qu'on est là-haut. Elle a ta wadduhu mi luhum. Elle rename, est-ce que je fais le dos de, après avoir mangé du mouton, il a dit Inchita, ça vient de Sha'a. Et après il dit attends, dos, le hum, elle dit quand elle est dit est-ce que je fais le dos avec la viande de chameau, il dit oui. Donc c'est là qu'on a eu l'obligation, parce que dans le premier, il dit si tu veux. Et l'autre, il dit oui. Voilà. C'est pour que manger de la viande de chameau, c'est parmi les n'avoir que des lodos, ça vient de lodos. Vous avez mangé du chameau ? Ici, non. Ça peut être bon, ça, vraiment. J'ai pas trop distingué. Tu vois, pourquoi j'ai mangé, j'ai pas distingué que c'est vraiment une viande différente. Parce qu'on en mange tellement rarement de la viande ici que du mouton ou du bœuf ou quoi, tu fais pas trop la différence. Mais si c'est bien cuisiné, quelqu'un y connaît, ça. Franchement, ce qui paraît, ça ressemble à de la viande de gibier, mais j'ai pas ressenti. J'ai envie de manger après. Tu trouves, hein. Il y en a ici. Il y avait plein de chameaux qui passaient à une époque. Ici, des troupeaux de chameaux. Après, comment il... Comme sauvage. Non, sauvage, non. Avec le roi, avec le berger. طيب ما ذكر الاخر المرة الاخرة كيف قال له التكست هذا نحوه طيب اليوم لك تفضل أراد محمود السفارة إلى الرياض فحضر إلى بحر السفارة. Ok, on va traduire. Arada, c'est Mahmoud a voulu voyager à Riyad, donc il s'est rendu à la salle de voyage. Ça se fait Fahadara, se rendre. Non. Wasallam al-Wadhafa, Jawaza Safarihi wa Tadkirati. Donc il donna à l'employé son passeport et son billet. ثم وزن حقائبه ودفع خمسين دولارا قيمة. Ils n'ont pas mis dans le truc. Qima, c'est la valeur. Ils n'ont pas mis dans le vocabulaire. Comme on a dit, ce petit texte là, c'est le texte qui se rapporte à la conversation qu'il y a eu par avant entre Mahmoud et Mouazzaf. Rien de nouveau, c'est juste l'être le compte. En résumé, non. Donc il a dit, ensuite il posa ses valises et paya $50 pour l'excès de poids de ses valises, de ses bagages. Zaid, l'excès de surplus. Non. Et le climat, c'est valable pour une maison, on a parfois le prix. Une chose qui est de valeur. Ça, on souffre et compte le prix. Hein. Ouais, mais l'emploi pas comme ça. L'emploi comme ça. On dirait femen, siar. Femen. Je peux dire, mar climat hada. Parce qu'un climat, une valeur, c'est pas forcément un prix. Tu dis, hel hada. Quel climat tout veut dire climat kabira. Un

Tisraoun. La. Tis. Allez, arabe histoire. Tisraoun. Non, Tisraoun. Tisraoun, c'est un boudin filet. Ah ouais, c'est Tisraoun. Ah, c'est Marfou, ils disent pas trop. Ouais, pas trop, non. Donc, il dit qu'on est dans le photo de l'arabie, c'est vrai. Donc, les lignes aériennes, la compagnie aérienne, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, annonce, c'est-à-dire à la main, on annonce, c'est-à-dire, un prière, en fait, c'est que le vol va partir. C'est-à-dire, le vol, l'ordre du design du vol numéro 90. Qiyam, c'est l'arrivée, quoi. Là, en fait, là, ça ne pourrait pas traduire. C'est en fait, on dirait directement l'annonce son vol. Mais quand on dit un qiyam, ça va se faire, là. Vous voyez, comme quand Qam dit salat, vous voyez, c'est-à-dire que la salat, elle va se faire, là, les proches. La qiyam, ça devient Qam. Vous voyez aussi Il est Riyad. Al-Muttajihati, là, ça revient à quoi? Rihla. C'est le vol se dirigeant par la volonté d'Allah à Riyad. En fait, c'est le refil enchaîné, on a coupé l'autre. Et ça a été la phrase. Vous voyez, tournez-vous le khutu de l'arabiyat ou la souradiyat ou al-qiyam. Rihlatiha, rotme tis'il, al-Muttajiha. Et ça revient à quoi? Rihla. Vous voyez, c'est un sifa de Rihla. Bimashiatillah, il est Riyad. Vous voyez, c'est que les lignes aériennes de Saoudi vous annoncent, vous voyez, le départ du vol 90, se dirigeant par la volonté d'Allah vers Riyad. Alors tu vois, les khutut saoudiennes, et bien, alhamdulillah, font un appel à Allah, elles. Il n'a chiat illa, ils le disent. Alhamdulillah. Depuis le début du texte, c'est un petit peu, tu vois. Non, sur les jitters aussi, ils font des doigts et tout. Après, tu vois. Moi, je parle dans le kitab. Depuis le début. Tu vois, ils disent rien. Le Mouazin ne dit rien. Vous voyez ? Et puis là, par contre, pour rentrer un vol, ils le disent. Abdullah. Vous voyez ? Moussafirina ala hadihi rihlati suratu tawajju. Donc, les voyageurs doivent se diriger en vitesse vers le vol. Donc du moins les voyageurs de ce vol, passagers de ce vol, doivent se diriger en vitesse. Il a bawati. Donc en fait, c'est celui de la phrase qu'on a coupé. En fait, on va le redire depuis le début. Al-Musafirin, donc les voyageurs doivent. Les voyageurs ou les passagers de ce vol, vous voyez, sous la tout tawadjou, doivent se diriger en vitesse. Il est le bawabit khulouj vers les portes de sortie, ou sas de sortie. Rob Salafa, numéro 3, Disroud et Tahira. Pour monter dans l'avion, pour l'embarquement en fait. En fait, on dirait pour l'embarquement dans l'avion. Et Tawadjou, il est souvent utilisé sur la toute Tawadjou. Souvent utilisé sur la toute Tawadjou. Là. Dépêche-toi vite. Voilà. Là, c'est facile. Parce que quand ils vont essayer de faire des mêmes formules que les couffards sur l'arabe, on peut mettre comme ça quoi. Sinon, non, c'est pas une date qu'ils ont. Quand je vous le dis, ce livre-là, c'est des formules vraiment d'échange entre les gens sur qui ne se connaissent pas ou quoi, de politesse d'après, tu vois. Mais en vrai, tu vas parler comme ça aujourd'hui, les gens vont dire tu vas pas trop dire que tu parles comme ça, c'est pas ça. Hein. Même le chien, on parle comme ça. Alors la même, on parle comme ça, tout ça. Là, c'est des trucs, on va dire, le langage commercial. Vous voyez, clientèle. نعم طيب ثم يقول اولا اجيب على الاسئله الاتيه دونك ريبون كيسيون سوفونت هذا سيكون نيرادين لي كيسيون بوغ تو لي كومبري اي اس كون فير بور دوما ماذا سلم محمود الموظف كيسك محمود طيب ا دوني ا ليفري سلم سو ديال ليفري اوسي بعدا Découvre. C'est pouvoir être, pouvoir dire livrer aussi. Vous voyez ? Mais là, il veut dire donner. Ma'a sallama Mahmoudoun et Mouazzaf. Qu'est-ce que Mahmoud a donné à l'employé ? Ah voilà. Thanien, ma'a wazana Mahmoudoun. Qu'est-ce que Mahmoud a pesé ? Thalithan, kem dafa'a lil wazn azzaïd. Combien a-t-il payé pour l'excès de poids ? Le surplus de poids. Rabian, ma'a a'lanati khututi saoudiya. Qu'est-ce que les lignes aériennes, les lignes saoudiennes ont annoncé ? En quelle direction ? Quelle est la direction du vol 90 ? Vers où se dirige-t-il ? Sadisan, Maza Talaba al Muwazzafu min al Musafirin. Qu'est-ce que l'employé a désiré des voyageurs ? Sabian, ما رقم بوابة الخروج؟ Quel est le numéro des portails de sortie, des sas de sortie؟ ثامنا لماذا يتوجه المسافرون إلى بوابة الخروج؟ Pourquoi est-ce que les passagers se dirigent vers les portails de sortie؟ والأجوبة كلها في النص. Les réponses sont dans le texte. مفهوم الأسئلة؟ لاول؟ نعم. طيب. ثانيا املا الفراغات في الجمل الاتيه باختيار الكلمات المناسبه بما يلي donc répond ou remplit les trous les vides voyez les phrases suivantes en utilisant en choisissant le mot qui correspond parmi ceux qui suivent le premier mot al tawajjuh ça c'est le mot tawajjuh al ashf le bagage samia entendre dhabit officier première phrase wada'a al musafiru Summa Talbid à la mizan. Donc le passager ou le voyageur a posé quelque chose sur la balance. Fanyan, Fahasa, un nouveau verbe. Fahasa, c'est examiner, analyser, contrôler. Par exemple, un Fasdem, c'est une prise de sang, une analyse de sang, sanguine. Analyser, contrôler, examiner. فحصا يفحص طيب فحصا طيب أتخو الجوازات الجواز دونك اتونسيون regardez الجوازات il a une كسرة donc demandez-vous pourquoi il a donné un mot qui lui donne une كسرة vous trouvez le mot qui correspond et c'est facile de faire Salifan, t'as un trou, ensuite, El Musafiroun, El Nida'a. Donc les passagers ont quelque chose l'appelle. Rabian, Al Musafirina Sulat, trou, il est Bawabat Khuruj. Donc les passagers doivent quelque chose en vitesse vers les portails de sortie. Je pense que c'est clair, facile. Pas mal? عندكم سؤال؟ ما عندك؟ طيب بس أنا أقف هنا ونقول الحمد لله رب العالمين